J'aimerais vous poser une question. Savez-vous de façon certaine si vous mourriez aujourd'hui, si vous iriez au paradis? Vous pourrez répondre, je ne suis pas sûr d'aller au ciel. Peut-être même n'y avez-vous jamais pensé, mais la Bible dit que vous pouvez être sûr à 100% que vous êtes sur le chemin vers le ciel. Maintenant, selon la Bible, vous devez comprendre quelques petites choses pour être en mesure de recevoir le salut. La première chose est la suivante. La Bible dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu ». La Bible nous dit que le péché est la transgression de la loi. Lorsque nous brisons la loi de Dieu, nous péchons. Et selon ce verset, nous avons tous péché. Je suis un pécheur, vous êtes un pécheur. Et malheureusement, il y a un salaire pour notre péché. Romains 6, 23 dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Le mot « salaire » signifie « paiement ». Ce que vous gagnez. Quand je vais au travail, on me donne de l'argent, c'est mon salaire. À cause de mon péché, le salaire est la mort. Ce que je gagne, c'est la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous pensons à la mort, la plupart des gens pensent à une mort physique. Mais Apocalypse 20, 14 à 15 dit « Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu », une référence à l'enfer. Il est dit « C'est là la seconde mort ». Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Donc, selon la Bible, notre salaire pour notre péché n'est pas seulement une mort physique, mais la seconde mort. Vous demandez qu'est-ce que la seconde mort ? Être jeté dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. Ce que nous gagnons à cause de notre péché est la mort, une mort physique et une seconde mort qui est d'être jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 21:8 dit « Mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les luxurieux et les sorciers et les idolâtres » C'est une liste assez mauvaise, non? Les meurtriers, les impudiques, les sorciers. La plupart des gens seront d'accord. Un meurtrier, oui, il va aller en enfer. Mais remarquez, il est dit, mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les luxurieux et les sorciers et les idolâtres. Et à la fin de cette liste, il est dit ceci, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Et la raison pour laquelle Dieu ajoute le péché du mensonge à la fin de cette liste, c'est qu'il essaie de mettre un point, et le point est de ceci, nous sommes tous pécheurs, chaque être humain a menti. Et il essaie de dire qu'il n'y a pas de juste, nous avons tous péché, nous méritons tous d'aller en enfer. C'est la mauvaise nouvelle, je suis un pécheur, vous êtes un pécheur, et nous sommes tous initialement condamnés à l'enfer. Mais l'évangile est la bonne nouvelle. Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché c'est la mort, nous comprenons ce que cela signifie maintenant. Mais la deuxième partie de ce verset dit « Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » La Bible dit que Dieu a un cadeau qu'il veut vous donner, et ce don est la vie éternelle. Dans Éphésiens 2, 8 à 9, la Bible dit « Car par grâce vous êtes sauvés par la foi. » Le mot « grâce » signifie obtenir quelque chose que vous ne méritez pas, vous ne le gagnez pas, vous ne payez pas pour ça. « Vous êtes sauvés » est une référence à être sauvé de l'enfer, parce que je ne veux pas y aller. Je suis sûr que vous ne voulez pas y aller. Par la foi, le mot « foi » signifie « croire ». Il est dit, par grâce, vous êtes sauvés par la foi, et cela n'est pas de vous-même, ça n'a rien à voir avec vous. Voilà pourquoi c'est le don de Dieu. Non des œuvres, de peur qu'aucun homme ne se vante. Un cadeau n'est pas quelque chose pour lequel vous travaillez. Un cadeau est quelque chose qui vous est donné. Quelqu'un d'autre a payé pour cela, mais vous ne payez pas pour cela. Si je vous donne un cadeau et que je vous demande de me donner de l'argent pour cela, ce n'est plus un cadeau. Si je vous donne un cadeau, mais que je vous demande de faire quelque chose pour cela, ce n'est plus un cadeau. Le cadeau ne vous coûtera rien, mais il coûte à la personne qui vous donne quelque chose. Et le don de Dieu, c'est exactement la même chose. Jésus a dû payer pour ce cadeau. Romains 5:8 dit, « Mais Dieu recommande son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Jean 3:16, le plus célèbre verset de la Bible, dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'évangile est ceci, Jésus-Christ est né d'une vierge. Il a vécu une vie sans péché, il n'a jamais péché, n'a jamais rien fait de mal. Il est mort sur la croix et est enterré. La Bible nous dit que son âme descendue en enfer pendant 3 jours et 3 nuits, et il est ressuscité des morts, pas pour payer pour son propre péché, parce qu'il n'avait pas péché, il est mort pour nos péchés. Et vous voyez, c'est déjà payé. Le cadeau a déjà été payé. Maintenant, vous devez comprendre ceci à propos du cadeau. Jean 3:16 dit, la vie éternelle, le don est la vie éternelle. Le mot éternel signifie qu'il va durer éternellement, la vie qui va durer éternellement, elle n'aura jamais de fin. Jean 3:15 dit, la vie éternelle, éternelle signifie qu'il ne finira jamais. Jean 3:36 dit, la vie éternelle. Romains 6:23 dit, la vie éternelle. Tout au long de la Bible, vous trouverez ce concept. La vie éternelle, la vie éternelle, la vie qui durera pour toujours, la vie qui ne finira jamais. Selon Jean 3:36, vous l'obtenez au moment où vous croyez. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Maintenant, certaines personnes pensent, je peux recevoir le salut, mais une fois que je l'ai, si je fais quelque chose de vraiment mauvais, comme l'adultère, comme assassiner, se suicider, alors Dieu va m'ôter le salut. Mais s'il l'enlève, ça ne dure pas éternellement. Nous devons comprendre que le salut n'est pas quelque chose que nous gagnons, et une fois que nous l'avons, ce n'est pas quelque chose que nous gardons. La Bible dit dans Tite 1.2, dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut pas mentir, promit avant le commencement du monde. Notre espoir pour la vie éternelle, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu m'a promis la vie éternelle, alors devinez quoi, c'est la vie éternelle. Il m'a promis la vie éternelle, alors cela va durer éternellement. Vous dites, et si je fais quelque chose de vraiment mal? Eh bien, ce n'est pas de nous-mêmes, ça n'a rien à voir avec moi. C'est un cadeau qui durera pour toujours. Maintenant, voici la seule chose que vous devez faire. Comme tout autre cadeau, vous devez choisir si vous souhaitez l'accepter ou le rejeter. Vous pouvez vous demander, comment puis-je accepter le cadeau de Dieu? Romains 19 dit ceci, que si, il est dit si, parce que vous avez le choix, il est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le mot confesse signifie admettre. Admettre quoi? Eh bien, admettre que vous êtes un pécheur, vous admettez que vous méritez d'aller en enfer, mais vous demandez le pardon. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais il demande plus que de dire des mots. Il dit aussi, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix, a été enterré et ressuscité de la tombe en paiement pour vos péchés. Il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit, tu seras sauvé. Il n'est pas dit que vous pourriez être sauvé, il n'est pas dit que vous avez l'espoir d'être sauvé. Dieu dit, je vais vous sauver si tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur. Notez que vous ne devez pas aller à l'église, il n'est pas dit que vous devez vous faire baptiser, il n'est pas dit que vous devez vous repentir de péché, il n'est pas dit que vous devez faire quoi que ce soit, simplement croire en lui et demander de vous sauver. Croyez cela dans votre cœur, si vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité de la tombe et qu'il veut vous donner un cadeau, la vie éternelle, alors pourquoi ne confesseriez-vous pas de la bouche maintenant? J'aimerais vous aider à former une prière. Si vous croyez cela, pourquoi ne prierez-vous pas avec moi maintenant? Cher Jésus, je sais que je suis un pécheur. Je mérite d'aller en enfer. S'il te plaît, pardonne-moi de tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Je ne crois pas en mes œuvres, je ne crois pas en la religion. Je crois seulement en toi. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Si vous avez prié cette prière et croyez dans votre cœur, selon la Bible, vous êtes maintenant sauvé. Vous avez la vie éternelle. Félicitations.